Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Lorsque survient un décès, il est important d'être accompagné par une équipe de professionnels qui sauront bien vous épauler pendant cette période de tristesse. L'équipe de Hébert et Fils est une entreprise 100% locale qui crée des emplois dans notre milieu. Nous faisons partie de la Corporation des Thanatologues du Québec. Hébert et Fils, 2355 boulevard Walberg, 418-276-1411. Toute l'équipe de Hébert et Fils rappelle que l'achat local est vital dans notre économie. On va parler de ski alpin. C'est dans quelques semaines qu'Éric Gay va commencer son année. Question de savoir un peu comment que ça se passe pour lui, comment également de savoir ce que avec toutes les menaces qu'on entend du côté de Pyeongchang, qu'est-ce que ça lui fait? On lui parle. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, d'abord, je voulais te féliciter. J'ai vu ton excellent papier dans le Journal de Montréal. Très belle famille. C'est vraiment agréable. Est-ce que vous trouvez ça dur durant l'année de parce que vous êtes beaucoup en Europe, de jauger la famille qui vous manque beaucoup également? Oui, tout à fait. Écoutez, ouais. C'est pas facile, évidemment, de voyager et d'être loin de la maison, surtout avec la petite quatrième là, qui vient de joindre à nous. Mais quand même, ça ne durera pas éternellement. Moi, je pense que dans 2 ans, je vais être chez nous à temps plein, puis ma femme va être tannée de me voir. OK. Éric, si on parlait un peu de la saison qui s'en vient, je disais un petit peu sur tous les articles, que c'est évidemment c'est une tournée médiatique que vous faites. Sur RDS, vous mentionnez évidemment que c'est une bonne année, une belle année de préparation, compte tenu évidemment qu'on a évité les blessures. Exactement. Je trouve que le corps va très bien. Ça fait un bon petit moment que j'ai pas eu de problème de genoux ni de dos. Alors la préparation physique et également la préparation sur neige cet été, ça a très très bien été. Alors j'ai pas de raison de pas faire performer cette année. Alors j'ai quand même hâte de débuter l'année. OK. Est-ce que ça doit être terriblement dur pour le dos, puis le dos particulièrement, le sport du ski alpin avec les bosses et ainsi de suite? C'est-tu le Oui, oui, oui, absolument. C'est toujours ça, les blessures de dos puis de genoux. C'est à peu près comme au hockey. OK. Préparation pour les Olympiques. Moi, je parle beaucoup avec Marianne Saint-Gelais. Évidemment, elle vient d'ici, donc c'est sûr qu'on lui parle, on connaît ça. Est-ce que c'est une année, étant donné que c'est une année olympique, c'est quoi la préparation? Est-ce qu'on se prépare de la même façon qu'on se prépare durant notre année? Écoute, de mon côté, j'essaie de me préparer de la même façon. Écoute, l'année passée, aux championnats du monde, qui ont eu lieu mi-février, c'est les mêmes dates que les Olympiques. Alors, j'essaie de faire la même genre de préparation pour vraiment piquer au mois de février. Alors, moi, je change absolument rien cette année. OK. Dites-moi, si on parlait un peu des Jeux de Pyeongchang, il y a toutes sortes d'histoires. Il y a eu une accalmie dernièrement. En tout cas, les médias nous font voir qu'il y a une accalmie entre la Corée du Nord et les États-Unis. C'est une zone au niveau mondial quand même très, très stratégique, très difficile un peu. Est-ce que, comme athlète, comment on vit ça? Comment on voit ça? Oui, écoute, j'essaie de pas trop m'en occuper. C'est sûr que j'ai certaines craintes, mais de l'autre côté, je pense que notre gouvernement va pas nous envoyer en Corée du Sud s'il y a vraiment des dangers imminents. Puis d'ailleurs, je pense que ça va être pareil pour les Américains et pour les autres pays. Si je vois que les Américains y vont pas, puis qu'il y a d'autres pays qui ont peur, qui sont craintifs, ben là, écoute, je vais commencer à me poser des questions, mais je pense qu'avant ça, on va entendre parler de nos gouvernements. OK. Pyeongchang, la piste, est-ce que vous avez eu l'occasion de la tester comme il faut? C'est une piste qui va favoriser Éric Gay? Oui, écoute, on a eu la chance de courir dessus il y a 2 ans. Okay. C'est une très belle piste, c'est une piste qui me convient idéalement. C'est vraiment beau de tout côté. Beaucoup d'ondulation, de changement de terrain, des gros sauts. Fait vraiment, j'ai aimé la piste. Je pense qu'ils vont changer un peu de tracé. Ils vont faire ça que c'est un peu plus fluide, un peu plus rapide. Puis aussi, ça te convient bien. Alors vraiment, j'ai hâte au mois de février de voir qu'est-ce que ça va donner. OK, OK. Si on parlait maintenant du championnat, est-ce que ça va vraiment est-ce qu'il y a des adversaires qui pourraient jouer encore beaucoup contre Éric Gay? Écoute, il y a toujours des adversaires à chaque année. Ouais, les Norvégiens, je pense. Absolument, oui, tout à fait. Ça va être les Norvégiens cette année. Il y a également les Autrichiens qui sont toujours forts. Mais c'est toujours les noms qui reviennent à chaque année. Il y a Dominic Paris, Axel Svindal, Kjetil Jansrud, Hannes Reichelt. Tous ces gangs-là sont pas mal là année après année. Puis je pense que ça va se jouer là-dedans pas mal. À 36 ans, est-ce qu'on pense à une retraite? Oui, écoute, je suis quand même fier d'être 36 ans, puis ça continue à bien aller. Ouais. Les championnats du monde l'année passée à 35 ans des ramenés, là, ça a été tout à fait spécial. Puis je me sens tout à fait motivé en ce moment. OK. Est-ce que le prime, un athlète atteint son prime à quel âge en ski alpin? Normalement, je dirais à peu près dans sa trentaine, mais je dirais comme 32-34 ans dans ce coup-là. OK, OK. Donc, il reste encore quoi, une à deux bonnes années pour Éric Gay facile là, à performer. Là. J'espère, oui. Okay. C'est le plan. Éric, j'ai demandé des questions des auditeurs pour savoir un peu. Je savais que j'allais vous parler. Donc, il y a quelques personnes qui m'ont écrit et ont dit « demande ça ». Demande à lui s'il trouve ça difficile que la pauvre couverture médiatique du côté du Québec en ski alpin. Oui, écoute, moi je trouve qu'on est chanceux quand même au Québec. Okay. On est bien entouré côté médiatique. Je trouve qu'on a la chance à comparer de le reste de notre pays. On s'implique dans les sports et on suit nos sports. C'est sûr qu'il pourrait toujours en avoir plus. Mais de l'autre côté, moi, je me trouve chanceux que quand ça va bien, on parle de moi, mais quand ça va moins bien, on s'en fiche un peu puis on parle pas négativement de moi. Alors, si je regarde les Autrichiens, eux autres, c'est plus difficile. C'est un peu comme les Canadiens à Montréal, ouais. D'ailleurs. Quand ça va mal, ça va très, très mal, puis on en parle beaucoup. Fait que moi, de mon côté, je suis quand même tranquille chez nous, puis ça va bien. Fait que, okay. Je me trouve chanceux d'une certaine façon. Parce que t'es une grande, très grande vedette en Europe, faut le dire, là. T'es un peu comme Georges Saint-Pierre était un petit peu au Canada, là, avant qu'il arrive. Georges Saint-Pierre était plus populaire en Asie qu'au Québec. C'est un peu le même principe. Éric, il y a un autre auditeur qui me demande à quel âge t'as commencé à penser que tu pouvais faire une carrière internationale? Écoute, je pense que c'est plus vers l'âge de 18 ans. OK. Écoute, à 18 ans, je commençais à performer internationalement. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des Coupes du monde. Mettons, à 20 ans, là, je commençais en Coupe du monde. Puis je voyais que j'étais capable de battre certains gars que j'admirais depuis longtemps. Et puis, à 20 ans, j'ai eu ma première podium en Coupe du monde. Alors, je pense que ça a commencé vers l'âge de 18 ans que je me suis dit... je veux me rendre en Coupe du monde, je veux me rendre aux Olympiques ou aux Championnats du monde. Là, c'est moi qui t'apporte la question. Quel conseil que tu devrais donner à un jeune qui veut faire du ski alpin? Écoute, je pense que c'est pas mal les mêmes mots. Il faut être motivé, il faut être déterminé. C'est un peu redondant, là, mais c'est la vérité. Il faut travailler fort, puis il faut rêver quand même assez large. OK. La relève, es-tu bonne au Canada? Tu sais, on a entendu parler beaucoup de Steve Podbosky. Moi, je me rappelle de ski alpin, c'était Steve Podbosky, c'était Ken Reed, c'était années 80. Les Crazy Canucks. Ouais, tout à fait, mais écoute, on a fait les Crazy Canucks, puis on a eu 20 ans d'attente avant que ça débloque de nouveau. J'espère qu'on va pas attendre un autre 20 ans quand je prends ma retraite, mais écoute, je pense que il y a quand même des bons jeunes que je vois au niveau de développement. Puis j'espère qu'ils vont se développer de la bonne façon, puis on va pouvoir voir ça. Mais j'en vois pas énormément. J'aimerais toujours en voir plus. Mais malgré ça, quand même, si je regarde les clubs de ski à travers le Québec, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt, puis il y a quand même beaucoup de jeunes qui font du ski. Donc je pense que dans les années prochaines, on va avoir des bons champions. Pourquoi on a été 20 ans entre Steve Podbosky et Éric Gay? C'est-tu parce qu'il y avait la structure était mauvaise? C'était-tu parce qu'il y avait un manque d'argent? C'est une très bonne question. Je peux pas vous le répondre. Je sais pas c'est quoi exactement, mais on dirait qu'il manquait d'entraîneurs, il manquait de talent, il manquait de structure au Canada. Puis ça a fait en sorte qu'il a fallu vraiment attendre longtemps. OK, on le voit beaucoup, là, une structure, comment c'est important. On le voit au tennis, comment, tu sais, on était Oui, longtemps tout à pas fait. avoir de joueurs, puis là, finalement, il en pousse quelques-uns. Ben, Eric, on va te souhaiter la meilleure des chances. Félicitations encore une fois, puis une Right. bonne année. On va te suivre à Pyeongchang. Et encore une fois, félicitations pour ta belle famille. All right, hey, merci beaucoup. Voilà, Eric Gay, le Bonne champion soirée. de ski alpin.